21h sur Speed Radio. Speed! Speed Radio, la radio qui te dynamise. Deuxième mix que je vous propose pour ce mois de mars. Là, on va partir ce soir pour de la hard techno. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi je suis là, comme je disais, jusqu'à 22h. Et restez avec nous parce que c'est toute la nuit. All the night, c'est DJ Seth. Enjoy! Don't

La radio qui te dynamise.